G comme générosité. Être généreux, c'est répandre avec joie autour de soi les biens qu'on a reçus de Dieu. H comme humilité. Dieu déteste l'orgueil. Il aime les enfants humbles qui reconnaissent leurs défauts et leurs faiblesses. Présentation au temple. Marie et Joseph présentent Jésus au temple, ainsi que leur donnait la loi de Moïse. Ils offrent, comme les pauvres, deux petites tourterelles, car ils ne sont pas assez riches pour donner davantage. Le vieillard Siméon prend l'enfant Jésus entre ses bras et prédit qu'il sera la lumière des nations. Une pieuse femme nommée Anne annonce que cet enfant sera le sauveur du monde. Jésus s'offre en victime à son Père et, en se soumettant à la loi commune, il nous apprend à obéir.